Chapitre 15. Lucie Fortier avait attendu toute la soirée Maman Lison. Quand sonnèrent 10 heures du soir, sans que la porteuse de pain fût rentrée, la jeune fille commença à se sentir prise d'inquiétude. Minuit sonna. La porteuse de pain n'avait point reparu. Lucie se mit au lit, mais il lui fut d'abord impossible de fermer les yeux. Enfin, vers 4 heures du matin, Lucie laissa retomber sa tête et s'endormit d'un lourd sommeil. Il était 8 heures quand elle se réveilla. Elle sauta à bas de son lit et alla frapper à la porte de Jeanne. Aucune réponse. La jeune fille s'habilla rapidement et descendit. « J'irai d'abord au rendez-vous des boulangers, » se dit-elle. En arrivant en face de la boutique du marchand de vin restaurant, elle s'arrêta, frappée de stupeur. Cette boutique était fermée. Lucie s'informa. L'établissement a été fermé par autorité de justice à cause de la porteuse de pain, parbleu, lui dit une commère. Les 4 mots, la porteuse de pain, glacèrent Lucie. « Le nom de cette porteuse de pain, » demanda-t-elle, « on l'appelle dans le quartier Maman Lison. »« Mais pourquoi, pourquoi » balbutia-t-elle. « On a voulu arrêter Maman Lison. » Et alors les garçons boulangers, qui lui donnaient un banquet, ont cogné sur les agents. Et Maman Lison a pris la poudre d'escampette. « mon Dieu !» bégaya Lucie avec désespoir. Et elle courut à la boulangerie Lebray. La servante était seule. « Avez-vous vu Maman Lison ?» lui demanda Lucie. « Ah, ne me parlez pas de ça. On a voulu l'arrêter. Elle était recherchée par la police. »« Recherchée par la police ?» répéta Lucie, affolée. Lucie pouvait à peine se soutenir. Elle sortit, après avoir remercié la fille de boutique. « Rien, » murmura-t-elle en s'éloignant, « je n'ai rien appris. Où demander Maman Lison ? Où la retrouver ?» Tout à coup, Lucie s'arrêta. Elle venait de penser à l'ami de Lucien, à l'avocat Georges Darrier. En moins de 20 minutes, elle arriva à la maison qu'habitait le jeune homme. La vieille Madeleine vient lui ouvrir. « Pourrais-je voir monsieur, l'avocat Darrier ?»« Monsieur est dans son cabinet, je veux le prévenir. » Quelques minutes après, la servante introduisit Lucie. Georges constata le bouleversement de sa visiteuse. « Veuillez vous asseoir, mademoiselle, » dit-il, en avançant à la jeune fille un fauteuil sur lequel elle se laissa tomber. « Ah, monsieur !» s'écria-t-elle, en éclatant en sanglots. « Conseillez-moi, protégez-moi, sauvez-la » « Quel chagrin vous frappe si violemment ?»« Monsieur, » répliqua Lucie, « j'avais auprès de moi une brave et digne femme, que j'aimais comme si elle eût été ma mère. Elle a failli être tuée il y a quelques jours. Hier, elle était allée au banquet offert par les gens de son état, pour fêter sa préservation quasi miraculeuse. Elle n'est point revenue. Très inquiète, je me suis rendu ce matin à la maison où avait eu lieu le banquet. Cette maison était fermée par ordre, et le hasard m'apprit qu'on avait donné cet ordre parce que la femme que je cherchais s'était dérobée par la fuite à une arrestation rendue impossible par la résistance des compagnons boulangers qui offrent le banquet. Elle n'est point retournée dans la maison où elle travaillait. Seule au monde, je viens, monsieur, vous demander votre aide et vos conseils. Soutenez-moi, guidez-moi, car sans vous, c'est à jamais que Maman Lison est perdue pour moi. » En entendant ces derniers mots, Georges bondit. « Maman Lison, » s'écria-t-il, « Lisperrin, cette brave femme qui est venue me rapporter des papiers trouvés par elle, c'est de Lisperrin qu'il s'agit ?»« Oui, monsieur. » »« Vous vous nommez Lucie, n'est-ce pas, mademoiselle ?»« Oui, monsieur, » répéta la jeune fille. Georges poussa une exclamation. Il venait de se souvenir des menaces adressées en sa présence par Paul Armand à la porteuse de pain. « Paul Armand l'a dénoncée, » se dit Georges. « Eh bien, monsieur, » fit Lucie, les mains jointes, « celle qu'elle vous appelait Maman Lison ne vous a-t-elle jamais appris son véritable nom ?»« Elle m'a dit qu'elle s'appelait Lisperrin. » Celui-là en cachait un autre. C'est du côté de la préfecture de police que vos recherches doivent vous conduire. Vous m'effrayez, monsieur, s'écria la jeune fille. Maman Lison a-t-elle donc vraiment commis un crime? Je l'ignore. Mais Lisperrin a été condamnée il y a 21 ans sous un autre nom, à la détention perpétuelle. Elle se nomme en réalité Jeanne Fortier, évadée de prison. Lucie chancela et poussa un cri de désespoir. Ma mère, fit-elle en se tordant les mains. C'est ma mère. Ma mère injustement condamnée. Lucien me l'a dit. « Ah, voilà donc pourquoi elle me prodiguait les trésors d'une inépuisable tendresse. Ma mère, ma pauvre mère, ma mère chérie. Et ils l'ont arrêtée de nouveau. Je ne la verrai plus. Monsieur, vous êtes avocat et vous avez du cœur. Vos yeux sont remplis de larmes. Monsieur, faites un miracle. Rendez-moi ma mère. » En ce moment, la porte du cabinet s'ouvrit. Étienne Castel, Lucien Labroux et Raoul Duchemin parurent. « Mon tuteur !» s'écria Georges étonné. « Lucien !» balbutia la jeune fille en reculant avec effroi. Le fils de Jules Labroux courut à elle, la prit dans ses bras et la pressa contre sa poitrine en murmurant « Espérez, Lucie, espérez !»« Elle m'annonçait la disparition de Lisperrin, » fit Georges. « Nous la retrouverons, soyez tranquille, » dit Étienne Castel. Lucie se dirigeait vers la porte. « Restez, mademoiselle, je vous en prie. continua Étienne. « Vous devez être témoin de ce qui va se passer ici. »« Ce qui va se passer ici, » répéta le jeune avocat. « Mon enfant, » dit Étienne Castel d'une voix émue, « c'est aujourd'hui que s'accomplit ta 25e année. C'est aujourd'hui que je dois remplir le dernier vœu de l'homme excellent qui me confia ta tutelle. » Étienne prit dans sa poche une lettre scellée d'un large cachet noir et l'attendit à Georges en ajoutant « Cher enfant, lis cette lettre, lis tout haut. » Le jeune homme déchira l'enveloppe et lut « Mon bien-aimé Georges, au mois de septembre 1861, une pauvre femme, tenant par la main un petit enfant, se présentait chez moi à la cure de Chevry. Cette pauvre femme était poursuivie, traquée, en butte à la triple accusation d'assassinat, de vol et d'incendie. Elle se nommait Jeanne Fortier. Jeanne Fortier m'a juré sur la tête de son petit enfant qu'elle était innocente. La vérité se lisait dans ce regard, vibrait dans le son de sa voix, éclairait son visage. Mais que pouvais-je faire contre tant de preuves qui semblaient indiscutables ? Jeanne Fortier fut condamnée à la détention perpétuelle. Malgré la condamnation prononcée par le jury, ma conviction ne changeait pas. Pour moi, elle n'était point coupable, mais une martyre. Je voulus réparer l'injustice des hommes, et je conseillais à ma sœur d'adopter l'enfant de Jeanne. Elle le fit, et par l'adoption lui donna le nom de Georges Darié. « Moi, fit Georges, éperdu, je suis le fils de Jeanne Fortier. Et Lucie, Lucie est ma sœur ?»« mon frère !» s'écria Lucie en se jetant sur le cœur de Georges, qui la tint étroitement embrassé. Georges dénoua l'étreinte qui retenait Lucie. « Nous sommes les enfants de Jeanne Fortier, ma sœur, » dit-il. « Notre mère est innocente, et nous ne pouvons pas demander sa réhabilitation. Ah, c'est horrible !»« Espérez, mon ami !» s'écria Lucien. « Les preuves de l'innocence de Jeanne Fortier, votre mère, ces preuves que vous demandiez au ciel, nous vous les apportons. »« En voici une d'abord, » fit Étienne, en présentant à son ex-pupille la lettre de Jacques Garot. « Lis, mon enfant !» Georges dévora cette lettre. « Oui, oui, » s'écria-t-il ensuite, « c'est la preuve du crime. Mais on la croyait perdue. Où donc se trouvait-elle ? Dans les flancs du petit cheval de carton que tu portais lorsque vous vous êtes présenté à la cure de Chevry. » En entendant ces paroles, il sembla au jeune avocat qu'un voile se déchirait soudainement devant ses yeux. « Ah, » dit-il en pressant son front, « je me souviens. Ce cheval, je jouais avec lui dans la cour d'une grande usine, que plus tard j'ai vu dévoré par l'incendie. Ce cheval avait au flanc un trou béant. J'ai ramassé la lettre, te voilà, et je m'en suis servi avec d'autres papiers et des chiffons pour garnir le vide. Hélas, elle arrive trop tard. Jacques Garot ne pourra plus avouer qu'il a tracé ses lignes. Il est mort. Jacques Garot est vivant, répliqua l'artiste. Vivant ? Oui, et aujourd'hui riche, estimé. Il se cache sous un nom que vous connaissez, celui de Paul Armand. Paul Armand qui a voulu faire assassiner Lucie. Paul Armand qui a dénoncé Jeanne Fortier, après avoir échoué dans une tentative de meurtre dirigée contre elle. Ah, le misérable ! Mais vous êtes certain ? Certain, oui. Le vrai Paul Armand est mort. Voilà son extrait mortuaire. Le Paul Armand d'aujourd'hui, l'ex-associé de James Mortimer, n'est autre que Jacques Garot. Jacques Garot, répéta Georges, qui le prouve ? Tu possèdes certainement dans tes dossiers quelques échantillons de l'écriture du constructeur de Courbevoie. Oui, oui, fit vivement le jeune avocat, cette lettre. Et il prit sur son bureau une lettre. Étienne la saisit, y jeta les yeux et poussa un cri de triomphe. La même écriture, le doute est impossible. Lucien, épouvanté, murmura. Et cet homme voulait me faire épouser sa fille, et je ne puis le livrer, la prescription le couvre. Allons donc, la prescription existe pour le crime d'Alfortville, mais les tentatives d'assassinat sur Lucie et Jeanne le font tomber sous le coup de la loi. Songeons à ma mère, qu'est devenue ma mère? Nous la retrouverons, je te l'ai déjà dit. En ce qui concerne Paul Armand, que décidez-vous? Venez,